sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, l'usage des drogues, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a des chansons des Stones, des slogans des années 80, du cinéma avec seringues apparentes, des clichés rassurants où les méchants drogués sont perçus comme des épaves criminelles. Et puis il y a aussi toutes ces choses, ces gestes, habitudes dont on ne peut pas se passer parce que le problème, ce n'est pas le produit, c'est l'addiction. Alors pour commencer, les personnages. Un psy-anthropologue, un addictologue qui nuance, un médecin qui détaille les effets, des buveurs inégaux, une spécialiste des législations, Bloody et Sarat, un historien de la drogue, des trafiquants, un militant de l'autosupport et un policier qui passe aux aveux. Ensuite le décor, le temps qui se dissout, une série, la protection et la répression, le tabac et ses milliers de morts, du soda à la codéine, les bandes dessinées de Pierre Rouin, une salle de shoot, des lieux contrôlés par la police, une épidémie qui a tout changé, la drogue comme un stigmate, les contrôles aux faciès et les opiacés aux USA. Aujourd'hui, troisième épisode, on lit un poème d'Henri Michaud. Quelqu'un, son père, est Highlander. Quelqu'un, et puis ça lui a retenti sur les reins et maintenant fini. Il dit qu'il aime autant mourir à l'hôpital. Quelqu'un, il a de grosses solives à sa maison. Quelqu'un, il veut encore un peu de crème. Mais l'autre quelqu'un, c'est l'existence de Dieu qu'il chipote. Quelque part, quelqu'un renaît insecte, se nourrissant d'excréments tous les jours, ses antennes trempant dans la substance fétide. Essayant de se souvenir d'une vie antérieure, malgré lui, il songe à une future, quand les excréments seront plus copieux et plus uniformément répandus, de manière qu'il y en ait pour tous. Entre licite et illicite, Doria Zénine, Lydia Ben-Itzrak. Quelqu'un zute pour les autres. Quelqu'un zute pour moi. Comment, en prenant telle ou telle substance, notre perception du temps est totalement bouleversée. Prenez la cocaïne. William Lovenstein. Comme exemple, premier exemple, vous allez avoir un rapport au temps qui va être incroyable. C'est-à-dire, dans un premier temps, une accélération extraordinaire, une boulimie avec l'euphorie, l'ivresse qu'il y a, et notre cerveau, 8 heures, 10 heures après, va être en train de nous faire reprendre toujours de la cocaïne, mais n'enregistre absolument plus cette histoire de temps. C'est-à-dire, vous avez enregistré éventuellement les 3 premières lignes, si c'est pris par voie nasale, mais les 7 heures, 8 heures, 9 heures qui suivent en, on va dire, en conduite, vous voyez, quasiment semi-automatique, ne sont absolument pas le 8h-10h habituel. Ça a duré 2 secondes. Il y a un côté science-fictionnesque qui est invraisemblable. Prenons l'inverse, si j'ose dire. L'héroïne, c'est-à-dire que vous avez tout le temps. Le temps même de mourir tranquillement. Tout le temps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez figé votre espace-temps, quoi. Que vous êtes plus qu'un bain d'endorphine intemporel. Le temps n'a plus d'importance. Prenez le cannabis, ça va être encore une perception du temps très différente, où le temps va faire sens, pour pas dire parfois parano. Qu'est-ce que va être une seconde? Qu'est-ce que va être une minute? Quelqu'un est de ceux qui ont 50 fois 20 ans avant de vieillir. Quelqu'un est métaphysicien anxieux abdominal. Quelqu'un voit d'un côté les soleils, de l'autre les serpents. Cette expo, Mario Blaise... Sous influence, donc c'était cette exposition avec les œuvres d'Henri Michaud, notamment, qui est à la fois poète et aussi artiste, qui a donc réalisé des dessins sous l'emprise de différentes substances. Ouais. Il a essayé surtout psilocybine et... Mescaline aussi. Mescaline, ouais. Et où il dessine des sortes d'amibes sans fin sur des rouleaux, c'est assez impressionnant. Ouais. Oui, c'était dans le cadre de l'exposition Sous influence à la Maison Rouge, là, qui était en 2012-2013. Donc c'est une exposition qui était très intéressante là, sur comment véhiculer l'imaginaire des drogues. Alors soit c'était des artistes qui avaient pris des drogues et qui faisaient des œuvres sous influence, sous l'effet des produits. Il y avait aussi d'autres artistes qui représentaient les drogues ou servaient même des drogues en elles-mêmes pour faire leurs œuvres. Enfin, c'était très bien quand même. Il y a une œuvre qui vous a marqué en particulier ? Une œuvre qui m'est marquée ? Laquelle ? Oh, il y en a tellement. Alors là, on est dans la bibliothèque. Il y avait la reconstitution de la bibliothèque de ce collectionneur-là. C'était une œuvre d'un artiste qui, lui, avait pris en photo la bibliothèque de ce collectionneur une fois qu'il était décédé et qui en a fait du papier peint. Donc il y avait toute une pièce où il y avait cette fausse bibliothèque destinée aux drogues d'un collectionneur, je crois qu'un collectionneur de livres qui était amateur de ce genre de livres, qui était reconstitué. Et c'est une des pièces de la bibliothèque. Je pense à ça parce que dans la bibliothèque, j'avais trouvé ça intéressant. Oui, une sorte de trompe-l'œil, oui. Et puis les effets de perspective sont faussés comme sous certaines drogues. Voilà, exactement. Le problème, c'est que l'imaginaire qu'il y a sur ces produits, Richard Richtman, est d'un tout autre ordre et n'est pas simplement une question de santé publique. C'est un rapport que la société contemporaine et occidentale entretient avec ce qu'on pourrait appeler la raison. Et ça, c'est un point vraiment central des sociétés occidentales contemporaines, c'est que finalement, le lieu de l'humain, c'est son psychisme, et qu'on n'a pas le droit de toucher à cela, on n'a pas le droit de modifier son rapport à l'environnement. Et quand vous allez dans des sociétés très traditionnelles, autres, ou par exemple les états de conscience modifiés font partie de l'expérience quotidienne et de l'expérience de la vie, il n'y a pas ce rapport avec franchir un interdit majeur qui est « vous avez bouleversé la raison ». Bah oui. La raison n'est peut-être pas là, mais le sujet est quand même là. Chez nous, sujet et raison sont intimement liés, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, au-delà de la question de santé publique, le problème des drogues est si crucial et qu'on n'arrive pas, d'une certaine manière, à avoir une stratégie, on pourrait dire plus simple, dans les messages, en tous les cas. Les pratiques qui sont faites de lutte contre la drogue sont, à mon sens, assez efficaces. Mais le message général qui est envoyé dans la société est toujours troublé par cet imaginaire. L'exemple de Dr House est excellent, parce qu'on a là, en effet, la vision de ce qu'est le plus souvent un patient addict, contrairement à ce qui a voulu être donné dans les années 70 et 80, c'est-à-dire quelqu'un dont les qualités font vulnérabilité. Quelqu'un qui est hyper rapide, hyper sensible, contrairement au personnage qui veut se donner, bien évidemment, et qui souligne ce qu'on dit avec Laurent Carilla dans Tous addicts et après, point d'interrogation, que la plupart, à ma connaissance, ça ne veut pas dire tous, hein, des personnes addictes sont des personnes qui sont confrontés à une maladie du trop, à une maladie de l'hyper avec un H, pas une maladie de l'hypo comme on voulait en faire une dans les années 70, où avec l'héroïne, c'était la vision, si j'ose dire, surtout de personnes addictes au stade métastasé de leur addiction. Vous voyez, un peu comme si on devait résumer Gainsbourg à la dernière ou aux dernières années de sa vie, en oubliant tout le parcours absolument génial, productif, hyperactif. Moi, je pense, et je l'ai souvent dit depuis une quinzaine d'années, que la plupart des personnes addictes sont pas ces junkies dans le caniveau. Là, on est au stade métastasé de l'addiction. Bon, ce sont des personnes, encore une fois, dont l'hypersensibilité, l'hyperactivité, souvent chez le sportif comme chez l'intellectuel, l'hyperactivité, des personnes qui pensent plus vite que vous, qui savent de quoi votre semelle est faite avant même que vous ayez levé le pied. Oui, là vont avoir besoin soit de produits dopants pour continuer en ce marathon au sprint de leur vie, quoi. C'est compliqué un marathon au sprint, hein. Soit d'air de repos sur l'autoroute de leur émotion, s'ils sont plutôt avec des produits qui enfin leur permettent de se poser un peu, vous pensez bien que leur cerveau va leur dire « oui, recommence ». Il est clair que les substances n'ont pas, pour les cellules cérébrales, la même toxicité. On ne peut pas comparer la terrible toxicité de l'alcool, même si elle est progressive, mais qui est une toxicité qui arrose toutes les parois cellulaires, y compris de notre cerveau, mais aussi de tout le corps, à la toxicité, par exemple, du cannabis, qui va faire dysfonctionner, si j'ose dire, des systèmes, mais qui va pas tuer de la cellule. Et certains cannabinoïdes sont même neuroprotecteurs, neuromodulateurs. Idem pour la cocaïne, capable, par la vasoconstriction, la fermeture des petits vaisseaux, de donner une multitude de mini-accidents vasculaires cérébraux. On est là vraiment dans de la toxicité, vous voyez, destruction. La pire des toxicomanies, c'est celle des idées reçues. Et finalement, pour un addictologue, on va peut-être devoir faire l'effort de se rajouter un combat, si j'ose dire, ou une prévention d'une toxicomanie intellectuelle. La résultante, qui est effectivement le fait qu'aujourd'hui, on a trop de jeunes en France qui consomment un produit, le cannabis, qui est dangereux quand il est consommé sur des cerveaux en maturation. Ça, je crois qu'il faut quand même vraiment le rappeler. Nicolas Price. Les substances psychoactives dont on s'occupe à la mille des cas, dont s'occupent les addictologues, qu'il s'agisse du tabac, de l'alcool, du cannabis et plein d'autres substances, sur des cerveaux qui sont en construction. Depuis la conception, dans le ventre de la maman, jusqu'à l'âge adulte, et c'est pas la majorité légale qui est, à mon sens, le bon niveau de pour nous donner une idée de l'âge, mais on est plutôt sur 22, 23, voire 25 ans. Ces produits ont tous, et le cannabis y compris, des effets délétères plus ou moins puissants, plus ou moins importants, mais qui ont été prouvés. Et s'agissant du cannabis, en particulier, l'INSERM a montré récemment qu'on a des effets vraiment désormais objectivé sur la mémoire, la concentration, toutes les fonctions intellectuelles supérieures en réalité. On a également des effets avec des psychoses aiguës qui peuvent se manifester, beaucoup plus rarement. N'oublions pas que c'est un produit qui se consomme avec du tabac et qui peut entraîner en lui-même, en plus, une dépendance, hein, le cannabis. Donc, on a quand même envie d'essayer de mieux protéger les jeunes. C'est pas uniquement la répression qui fait qu'on protège ou pas les jeunes, et c'est pas uniquement l'échec de la répression qui fait qu'on obtient des niveaux de consommation tels qu'on les vit en France aujourd'hui. Je crois que les adultes en France ont tous une petite responsabilité collective. Ma génération, même en étant médecin, je pense qu'il y a quelques années, volontiers, j'aurais dit, bon, c'est pas très grave tout ça. C'est peut-être pas gravissime, mais c'est quand même un problème sérieux dont il faut s'emparer avec des leviers tels que la prévention. Les plus grandes surdoses en France, elles se font quand même avec l'alcool. La France et l'alcool, c'est une très vieille histoire, comme chacun sait. Moi, mon seul rêve, c'est qu'on puisse en parler en dépassionnant le débat sur la seule base des connaissances disponibles aujourd'hui. On a malheureusement une difficulté à le faire encore. Et je rappelle souvent que le tabac reste le tueur en série historique. On a 73 000 morts chaque année du tabac, mais l'alcool est pas si loin derrière, 49 000. Et puis, est venu par-dessus les phénomènes qui nous viennent des pays anglo-saxons, le fameux binge drinking. 44% des jeunes de 17 ans reconnaissent un épisode de binge drinking, on appelle ça alcoolisation ponctuelle importante, il y a quelques nuances, mais peu importe, dans le mois précédent les enquêtes qui sont faites en ce moment. C'est beaucoup. Moi, ce que je demande juste, c'est qu'on en parle sereinement, qu'on soit aussi attentif aux influences des industriels, pour faire simple, des lobbies, sur ces questions-là, qu'on ne l'a été récemment sur la question du tabac, et ça paye d'être vigilant là-dessus, vraiment. On ne doit pas du tout, en aucune manière, détricoter la loi Evin. On peut effectivement continuer à boire dans ce pays, moi j'ai pas du tout une attitude prohibitionniste, mais on doit aussi dire la vérité sur les risques que les personnes encourent, sur les moments où il faut éviter. Je pense en particulier à la grossesse. C'est zéro, zéro absolu, c'est tout. Bon, Nicolas Price, je vous propose d'aller boire un coup. Très bien. J'ai bu, j'ai joué et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu. Alors j'ai bu. L'addiction au tabac est une addiction plus violente que l'addiction à l'alcool. Ça, il y a un relatif consensus auprès des addictologues. Bruno Falissa. Mais le tabac désocialisait moins que l'alcool pendant très longtemps. Fumer, c'était pas un problème. Au contraire, même, on était intellectuel, etc. En fait, l'addiction à l'alcool est pas si fréquente que ça quand on considère le nombre de gens qui sont exposés. C'est ça le truc, hein. c'est qu'en fait, le nombre de gens qui boivent de l'alcool assez souvent, en fait, il y en a plein, il y en a des millions en France. Il y en a des millions. Et le nombre d'alcooliques, en fait, il y en a très peu. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'étais à un jury de thèse ce matin. Et on a une piste pour savoir qui pourrait être vulnérable à une maladie alcoolique du foie. C'est que là, aujourd'hui, on est tous différents en tant que sujet pensant, on est autonome, etc. Mais là, en plus, la biologie va nous considérer comme différents dans nos comportements, dans nos vulnérabilités par rapport à notre privation de liberté possible. Tous les alcools me sont permis, ce qui me chagrine. Si des barmen, je suis l'ami, des réverbères, je suis l'ennemi. Si on est sur l'alcool, par exemple, on va avoir 9 millions des adultes qui vont consommer régulièrement de l'alcool tous les mois. Julien Morel d'Arleux. On est donc à 14 millions de fumeurs de tabac, selon les derniers chiffres qui ont été publiés par Santé publique France. Et pour le cannabis, qui va être donc la première drogue illicite consommée, on sera à 1,4 million de fumeurs de cannabis dans le mois. Ce qui, finalement, est un indicateur qui montre une consommation régulière d'un produit psychoactif. Déjà, la légalisation, a priori, n'est pas autorisée par les conventions internationales, puisqu'il interdit de produire des substances qui sont classées comme stupéfiants. Ivana Obradovic. Donc l'Uruguay, qui a été le premier pays au monde à légaliser le cannabis, a fait l'objet de réprobations au niveau international, notamment l'organe international de contrôle des stupéfiants, qu'il a accusé d'être un État pirate. Et puis, quelques mois après, aux États-Unis, certains États, par référendum, ont approuvé la légalisation du cannabis. Et évidemment, on ne parle pas sur le même ton à l'Uruguay, aux États-Unis. Donc là, on voit que l'ordre international a été clairement perturbé par ces initiatives aux États-Unis. Et puis, d'autres États américains s'y sont mis, le Canada maintenant. Donc c'est vrai que cet ordre international, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies de l'année prochaine, va remettre un peu toutes ces questions à plat. Le Portugal a dépénalisé la détention de petites quantités de drogue et a placé sous l'égide du ministère de la Santé l'ensemble de la politique publique à l'égard des usagers de drogue. C'est plus le ministère de l'Intérieur ou de la Justice qui pilote cette politique. Aux Pays-Bas, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas non plus un régime de légalisation, c'est une politique de tolérance. C'est-à-dire qu'on a le droit de consommer du cannabis, mais uniquement dans les coffee shops, avec un certain nombre de restrictions. On peut acheter 5 grammes, pas plus. Il faut être majeur, évidemment. Et surtout, le paradoxe du système néerlandais, c'est que ce cannabis qu'on trouve dans les coffee shops, il vient du marché illégal, ce qu'on appelle le backdoor system. C'est-à-dire que c'est pas un produit qui est fabriqué par des entreprises qui seraient agréées par l'État, comme ça se passe dans les États qui ont légalisé le cannabis officiellement, j'allais dire, aujourd'hui. En France, si vous prenez l'alcool et le tabac, on peut mesurer aujourd'hui le nombre de morts qui sont issus de la consommation d'alcool et de tabac. Donc c'est 73 000 et 49 000 morts. Donc on est sur des niveaux de mortalité. Pour les drogues illicites, on est à environ à 2 000 morts par an. Et donc chez les jeunes, en mars 2017, lorsqu'on a fait cette enquête, on avait pu mesurer que sur les jeunes de 17 ans, 8,5% d'entre eux déclaraient avoir expérimenté le purple drunk, donc ce mélange de médicaments au sirop codéiné avec des sodas. En 2017, il y a eu un événement assez médiatique puisqu'il y a eu des décès liés à la consommation de ces mélanges, détournement de médicaments. Ah oui, donc on peut mourir d'overdose de ce mélange. Alors, on peut, vous savez, la consommation, j'ai fait un message de santé publique assez basique, mais la consommation de produits psychoactifs peut entraîner des décès et des accidents sanitaires assez importants parce que ce soit lié directement à la consommation du produit ou que ce soit lié à des comportements qu'on va avoir en ayant ce produit. C'est-à-dire, on va être totalement désinhibé et on va sauter d'un pont, Donc, il y avait eu un décès ou deux décès, je crois, en mai 2017 et donc il y a eu un arrêté qui a été pris pour limiter, ça pouvait plus être acheté en pharmacie sans ordonnance. Aujourd'hui, c'est des modes de consommation qui sont moins visibles. Ce phénomène du purple drunk, c'est l'importation d'une mode parmi les rappeurs américains. Donc c'est aussi arrivé un peu par ce style musical en France. Et puis, il faut préciser aussi qu'il y a souvent des mélanges de produits. Donc, en l'occurrence, le purple drunk, c'est un mélange de médicaments codéinés et de soda, souvent du Sprite. D'après ce qu'on entend quand on enquête auprès des jeunes, il y a aussi souvent un mélange de ce purple drunk avec de l'alcool. Donc évidemment, les interactions entre les produits font que les risques sanitaires sont démultipliés. Ça montre toute l'incohérence de la distinction entre le licite et l'illicite, puisque les médecins prescrivent beaucoup Marie-Geoffrey Roustine d'antidépresseurs en France. Les États-Unis sont confrontés actuellement donc à une épidémie d'overdose d'opiacés, c'est-à-dire qu'en fait 500 000 personnes sont mortes aux États-Unis ces 15 dernières années parce que elles ont été amenées à consommer soit des médicaments opiacés dans un cadre légal, soit du fentanyl de rue dans un cadre illégal. Donc en fait, ces 500 000 décès, ils sont pas liés uniquement à des prescriptions médicales. Il y a aussi du fentanyl de rue. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est tant le marché légal que le marché illégal, donc tant les prescriptions par les médecins que le marché illégal, qui ont donné lieu à ces centaines de milliers de morts. Mais le paradoxe en France, il est aussi lié au fait que on a un des meilleurs taux au monde de traitement de substitution aux opiacés. Le politique accepte d'avoir une certaine forme de compassion vis-à-vis des usagers de drogue quand ils sont confrontés à la question du VIH, par exemple, mais à condition de considérer que les usagers de drogue sont des malades chroniques. Alors que, dans la grande majorité des cas, l'usage de drogue est une pratique sociale qui n'entraîne pas de dommages majeurs ni pour la personne, ni pour la société. En tout cas, pas plus que l'alcool ou d'autres types de comportements qui vont donner lieu à la recherche de plaisir. « 1984, bonjour psychiatre, Big Brother choisit tes clopes, Big Brother choisit ta dope. Prends une cuite mais pas du shit, capsule, pilule, faut que ça pullule. Mets un petit joint, tu toucheras point. Prends du Valium mais pas d'opium. Prends une biture, pas de piqûre. Du Beaujolais, pas de Libanais. 1984, fumée bleuâtre, Big Brother choisit tes clopes, Big Brother choisit ta dope. Ça crève de faim dans tous les coins. Dans les bagnoles, la mort rigole. La bombe atome massacre par tonne. Les overdoses, c'est pas grand-chose. 1984, béton grisâtre. Big Brother choisit tes clopes. Big Brother choisit ta dope. Fume des gitanes, pas de marijane. Prends du pinard, pas de pétard. Du pastaga, pas de mesca. Prends de l'alcool, mais pas de colle. De l'aspirine, pas de cocaïne. C'est quoi une drogue, monsieur le sociologue ? C'est un magazine de bande dessinée, en fait, de strip cartoon, qui a été créé au début des années 80. Alexandre et Marchand. Le discours sur la drogue y était un peu limite. D'ailleurs, la revue a d'ailleurs été condamnée pour prosélytisme en 84. Mais bon, du coup, beaucoup d'usagers de drogue appréciaient cette petite revue. C'est dans ces colonnes qu'on a vu apparaître un personnage repris après par la suite qui est Bloody. Personnage créé par Pierre Rouin, de punk, héroïnomane et même multiconsommateur de plein de substances différentes, auquel beaucoup de junkies sont un peu identifiés par une logique de retournement du stigmate. Bloody, il vit dans un taudis avec une rate, il est complètement dépendant, il se défonce à tout ce qu'il peut, il est très précaire, mais bon, on l'aime bien Bloody, petit personnage sympathique dans lequel on se reconnaît, il est rigolo dans ses aventures, il lui arrive plein de choses. Et donc c'est le genre de personnage qu'on trouvait dans les colonnes de Viper. Et dans un des numéros, il n'y en a pas eu beaucoup, une bonne dizaine, en 84, on trouve ce petit texte, 1984 fictionnette. Voilà, donc... Oui, on dénonce un peu une certaine hypocrisie. Il y a des substances très dangereuses, mais qui sont en vente libre et utilisées relativement massivement, et traditionnellement. Et par contre, on se focalise sur les drogues illicites, qui ont des effets parfois assez similaires, mais c'est interdit et c'est prohibé. Et en 84, on était encore dans la prohibition dure, pas encore de réduction des risques. On est devant ce qu'il ne faut surtout pas appeler une salle de shoot. Le nom officiel, c'est salle de consommation à moindre risque. Effectivement, c'est une salle attenante à l'hôpital La Riboisière. Et pour l'instant, c'est fermé. On attend la directrice qui va nous ouvrir la porte. On sait bien que dans les années 70, la défonce sous quelque substance que ce soit, c'était un peu l'apanage de la contre-culture, c'était la subversion, la critique de la norme dite bourgeoise. Et vous avez travaillé notamment sur les archives d'Actuel et de Métal Hurlant. Et vous nous expliquez notamment que les accros à différentes substances n'aiment pas se mélanger. Oui, effectivement, dès l'époque actuelle... dans ses publications, ont fait effectivement l'apologie au nom de la contre-culture d'un certain type de consommation de drogue, récréatif, révolutionnaire. Mais c'est des drogues douces, donc c'est du cannabis, c'est du LSD, c'est des hallucinogènes. Et on met par contre de côté les drogues dures comme l'héroïne, qui accrochent trop, qui défoncent tout de suite et qui transforment en zombies très rapidement. Ça, c'est la mauvaise drogue. C'est celle en plus des trafiquants, de la French Connection. Ah, on nous a ouvert la, oui, la porte. Tout à fait. Après, oui, voilà. Allez-y, entrez, excusez-moi. Oui, mais non. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bonjour. Oui. Enchantée. Bonjour. Donc je sais pas comment vous voulez faire. Vous nous faites visiter un peu le lieu. Donc les personnes qui viennent ici doivent être majeures. Enfin, on les fait rentrer, on vient les chercher. Donc ici c'est là, il y a 13 postes d'injection, là il y a 4 postes d'inhalation. Donc en fonction de ce qu'ils vont consommer, on leur donne du matériel à usage unique, stérile. Et dans un plateau, ils vont s'installer, ils injectent et ils ont un temps limite pour l'injection et pour l'inhalation. Et là, donc, il y a des petits box avec des chaises oranges, des murs oranges et puis du carrelage au mur. Les petits box sont séparés, donc les gens peuvent s'isoler vaguement, hein, on va dire. Pour que les personnes puissent venir ici avec des drogues, il y a un périmètre dans lequel ils peuvent... Alors, ce n'est pas un périmètre de non-droit, c'est beaucoup comme ça que ça a été présenté, mais c'est un périmètre où une certaine quantité de certaines drogues est voilà, possible d'avoir. Mais il y a beaucoup de contrôles. Hein. Je crois que la police a fait 4500 contrôles dans l'année en 2017. Je crois que c'était ça les chiffres. Hein. Ils contrôlent beaucoup, beaucoup pour voir justement si les gens ont plus que la quantité qui est autorisée. Donc ce n'est pas une zone de non-droit. Alexandre Marchand, vous avez beaucoup travaillé sur les archives et justement vous avez pisté un petit peu cette notion de légalité et d'illégalité, cette frontière quand même très difficile à déterminer. Et par exemple, on apprend dans votre livre que la France finalement a organisé à certaines époques tout le trafic d'opium depuis l'Asie. Oui, alors ce sont effectivement des malfrats, des criminels qui ont été au cœur de ce qu'on appelle la French Connection, parfois avec une vision simplificatrice, mais il y avait des familles mafieuses qui ont effectivement, pendant un moment donné, une bonne vingtaine d'années, eu la mainmise sur le marché international de l'héroïne. La plupart de l'héroïne qui transitait était en fait de la morphine base venue du Proche-Orient, mais transformée à Marseille ou dans les environs, avant d'être expédiée vers le marché américain, États-Unis, mais aussi d'autres pays américains, et puis... Sur la fin, ça a débordé aussi sur la France. Voilà, bon, enfin là, c'est un district productif de l'héroïne de l'ombre. Hein, ce n'était pas légal. Bon, il y a eu aussi la France... Bon, parce que les frontières aussi au niveau du trafic sont floues entre le licite et l'illicite. Hein, parce qu'il y a des chimistes qui travaillent dans les compagnies de production d'alcaloïdes légales. Certains ont pu être démarchés, recrutés par le milieu de l'ombre et travailler aussi pour le cas de cette French Connection dans les années 50-60. Donc il y a du détournement aussi des filières légales. Hein. De toute façon, à la base, il y a une filière légale de production d'opiacés, venue des champs de pavots de Turquie, qui est transformée par l'industrie pharmaceutique pour fabriquer des opiacés, parce que plein de médicaments ont besoin de ces substances. Et après, à partir de là, l'activité criminelle du trafic, elle se greffe plus ou moins là-dessus. Hein. Il y a une partie des ressources du pavot légal qui est détournée, rachetée par des contrebandiers, puis revendue à des chimistes de l'ombre, et puis il y a des gens qui passent parfois du milieu manufacturier officiel au milieu de l'ombre. On a des cas, par exemple, d'entreprises de fabrication d'alcaloïdes en France dans les années 50. Certains de leurs personnels avaient des liens avec la mafia corse et ont pu être mobilisés pour produire aussi, dans l'ombre, transformer la morphine base en héroïne. Après 3 semaines entières de bonheur qui a rien altéré, mon amant dont j'étais si fier, redresse ma tombe plaquée. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de m'appliquer à la morphine ou de friser de la coco. Mais ça coûte cher, tous ces machins. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive, fumant comme une locomotive. Fabrice Olivet, oui. On est ici dans votre association Assud. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette association ? Assud, c'est Autosupport des usagers de drogue. Donc c'est une traduction très mauvaise de l'anglais Self-Support of Drug User, ce qui veut absolument rien dire en fait, pour la plupart des gens. En vérité, c'est une association de consommateurs et d'ex-consommateurs. C'est d'ailleurs la traduction littérale du sigle, c'est autosupport et réduction des risques parmi les usagers de drogue. Les usagers de drogue étant le terme politiquement correct qu'on a tenté d'imposer par le biais de cette révolution qui s'appelle la réduction des risques pour parler des toxicomanes, des drogués. Voilà. Et dans un... Comment une approche un peu technocratique de la chose, l'État français, en fait, soutient cette association par des subventions publiques, donc les impôts des Français. Parce que dans les années 90, l'épidémie de sida a jeté une panique générale sur la société qui s'est aperçue que la politique de drogue qui était appliquée ne faisait qu'aggraver le phénomène, voire même avait provoqué en partie le phénomène, puisque c'est une politique de répression, avant tout, et qui avait abouti, par exemple, à l'interdiction pour les usagers de drogue d'acheter des seringues stériles. Et l'épidémie de sida en France, c'est ça, purement et simplement. Un décret qui a été passé en 1972, qui stipule que, en gros, il faut cesser de vendre des seringues aux toxicomanes. Et donc, effectivement, dans le souci clair, logique de lutter contre la drogue, hein, de faire la guerre à la drogue, bah, quelques années plus tard, le virus du sida s'est logé dans cet interstice pour effectivement provoquer une catastrophe sanitaire, et une catastrophe sanitaire dont on n'a toujours pas, à mon avis, suffisamment mesuré l'ampleur, parce que à partir de là, donc, s'est mis en place toute cette politique, hein, dont a su dénier tout ce qui est substitution, traitement de substitution, qui sont pas forcément très connus des Français, mais qui concernent 160 000 personnes, hein, aujourd'hui, qui ont une prescription de drogue légale, on va dire, d'opiacés de synthèse délivrés en pharmacie et prescrits par les médecins. Et puis tout ce qui a abouti à la salle de consommation, enfin toutes les discussions qui aujourd'hui sont la politique officielle de la France, donc ça s'appelle la réduction des risques, encore une fois, qui est prise un peu à contre-pied du credo de la loi de 70 qui réprime l'usage de drogue. Voilà pourquoi je dis c'est une politique technocratique, c'est que ça se fait un peu en douce. On n'en parle pas trop, il y a aucun gouvernement qui s'en est vanté, par exemple. Alors que sur le plan sanitaire, c'est des succès qui sont reconnus partout, sans qu'il y ait de polémique. Hein. On a liquidé donc cette épidémie de sida. Bon, après, il y a eu les traitements aussi qui sont venus, hein, pour compléter. Mais enfin, globalement, les usagers de drogue ont cessé de se contaminer très très vite dès que ces mesures ont été mises en place. Et à Sud, c'est exactement ça. C'est un projet de communication en direction des gens qui consomment. Toutes les personnes, d'ailleurs, ça aussi c'est important de le dire, pas seulement les toxicos tels qu'ils sont toujours visés dans les médias avec cette figure dépressive, misérable, qui donne envie de leur venir en aide avec une larme à l'œil, ou alors au contraire d'ailleurs de les cibler comme étant une espèce de maladie contagieuse qu'il faut combattre. Non, les usagers de drogue aujourd'hui, c'est beaucoup, de plus en plus, monsieur et madame tout le monde. Voilà. Donc Fabrice Olivet, on est là dans votre association. Au mur, il y a un numéro de Charlie Hebdo, oui, avec Astérix et Obélix, oui, qui est titré « Légalisons la potion magique, oui, partout à shit, oui ». Alors c'est vrai que les différentes... Avec François Hollande, on a Assurance Tourix aussi qui est bâillonné. Ah oui. Alors c'est vrai que toutes les différentes substances, puisqu'on parle des années 70, ont toujours un peu fait partie de la contre-culture. Voilà, absolument. C'est un peu ce volet-là, si vous voulez, qui est le volet hypocrite de notre discours, parce que on voit bien que, bon, dans un certain milieu, un peu plus, on va dire, bobo-libertaire, bon, voilà, ces choses-là sont admises, voire valorisées, hein. Milieu artistique, par exemple, nous on a Kiki Picasso qui est un artiste contemporain reconnu, hein, du groupe Bazooka, pour ceux qui sont nostalgiques des années 80. Kiki Picasso nous fait toutes nos illustrations d'événements et de journal. Voilà, il y a un espace sur la contre-culture, mais qui reste l'espace bourgeois, quoi. L'espace finalement toléré parce que c'est la création, c'est une forme de poésie. Bon, un des problèmes principaux des opiacés, c'est qu'on en meurt. On en meurt par overdose. Mais ça concerne 10 à 20% des personnes. Et quand on analyse ces 10 à 20%, c'est souvent les gens, encore une fois, les plus vulnérables socialement, culturellement, économiquement, qui sont pris dans des processus d'addiction lourde. Et à chaque fois, je dis, vous savez, la comparaison la plus évidente, c'est l'alcool. Alors à chaque fois, on remet ce truc sur le tapis quand même d'une évidence criante pour l'alcool. Tout le monde comprend, l'alcool est une drogue dure sur le plan pharmacologique, qui fait beaucoup plus de mal d'ailleurs que les opiacés, qui est neurotoxique, qui abîme le cerveau, qui abîme les organes vitaux. Et on a 10 à 20% de gens qui sont des consommateurs dépendants, dont on connaît d'ailleurs la détresse extrême. L'alcoolisme est une maladie lourde. Après, on a toute l'échelle des 80% restants qui vont des consommateurs excessifs, comme on dit, aux consommateurs récréatifs qui sont la grande majorité. Et ben, en fait, cela, c'est valable pour tous les produits, y compris le crack et l'héroïne. C'est toujours ce décalage qui fait qu'on doit viser très large pour toucher une infime partie de la population. Alors peut-être qu'il serait temps que l'on Richard Richtmann réfléchisse autrement et que l'on arrête finalement de viser des populations entières pour atteindre des petits nombres et qu'on essaie de réfléchir de façon beaucoup plus posée sur comment atteindre ces petits nombres. Ça se fait, par exemple, dans les politiques de gestion des risques, donc sur des personnes qui sont déjà dans la consommation de produits toxiques et avec le risque du sida. On voit bien comment les messages qui ont été mis en place, comment la prévention s'est mise en place, touche très spécifiquement ces populations à risque. Ça a été aussi toute la question des seringues, puis des salles de shoot, qui a entraîné un tollé, comme si c'était quelque chose de scandaleux, alors que c'est précisément, me semble-t-il, des messages beaucoup plus pertinents, parce qu'ils visent la population la plus sensible, la plus vulnérable, sans être obligé de viser l'ensemble de la population. Auparavant, vous pouviez le normer sur une conception du religieux. Aujourd'hui, vous allez le normer parce qu'il faut toujours une norme à l'interdit extérieur, quelque chose qui garantisse que cet interdit n'est pas un abus de pouvoir. C'est pas un abus de pouvoir parce que c'est mauvais pour la santé. C'est pas un abus de pouvoir parce qu'effectivement, on considère qu'aujourd'hui, votre santé est ma question politique. Votre santé m'importe. Le fait que votre conscience soit éclairée m'importe. Que vous soyez dans des conditions financières déplorables est une autre affaire. C'est moins important. Mais par contre, que votre santé psychique soit garantie par l'État, ça c'est certain. Donc il va y avoir une série de normes et d'interdits qui vont nous définir ce qu'est l'individu contemporain, jusqu'où il peut aller et jusqu'où l'État s'autorise à venir intervenir au plus près de l'intime. Et en même temps qu'on éclaire ce phénomène, il est toujours très important d'aller voir ce que cela n'éclaire pas. Fabrice Olivet, oui. Je vais vous lire donc ces quelques phrases de Samuel Roberts. Dans l'histoire des États-Unis, le traitement social et politique des drogues renvoie systématiquement à la question raciale. Le whisky renvoie à la communauté irlandaise, l'opium aux Chinois, la marijuana aux Mexicains, le crack aux Noirs et plus récemment les opioïdes aux Blancs. C'est-à-dire que donc il y a d'un côté la question raciale, mais aussi la question sociale des populations. C'est-à-dire que quand ce sont les Chinois qui fument de l'opium, on va le sanctionner, mais tant que c'est effectivement dans des salons d'intellectuels qui font ça pour alimenter leur créativité, du coup, c'est la sanction pénale est beaucoup moins lourde. Et ça se vérifie aux États-Unis en suivant chacune des substances. Bon, c'est Richard Nixon hein, qui prononce un discours resté célèbre en 1971 à la tribune de l'ONU. Et qui dit que le problème, plus que la lutte contre le communisme presque, c'est la guerre qu'il faut mener contre la dépendance à l'héroïne. Et à l'époque, l'héroïne, c'est de la drogue des Noirs. Ou en tout cas, c'est comme ça que le discours va être monté. L'équipe de Nixon, l'équipe du Watergate en plus, très intéressant, à un moment se réunit pour dire « on a un problème avec les droits civiques ». Les Noirs sont en train de regagner une crédibilité et des parts de pouvoir avec leurs syndicats, avec leurs organisations. Il faut trouver quelque chose pour les casser. On va utiliser la drogue. On va montrer au journal télévisé tous les soirs que la drogue, c'est les Noirs, que l'héroïne, c'est les Noirs, que les dealers d'héroïne, c'est les Noirs, que les consommateurs d'héroïne, c'est les Noirs, et que c'est les Noirs qui risquent de vendre de l'héroïne à nos enfants. Et c'est Barack Obama qui a réduit un petit peu l'écart qu'il y avait entre la condamnation pour possession de cocaïne, qui était la drogue des Blancs, et pour possession de crack, qui était la drogue des Noirs, alors que c'est la même substance, en fait. Et suivant que vous êtes noir, blanc ou latino, les peines que vous avez pour le même délit de consommation ou de vente de drogue ne sont pas du tout les mêmes. On voit bien que c'est un outil aussi pour la police de faire ce qu'on appelle la politique du chiffre. C'est-à-dire que si vous attrapez un usager de stupéfiants avec une petite quantité de stupéfiants... Un officier de police judiciaire. Dès qu'il est ramené au commissariat, pour, on va dire, juger de l'activité policière, on va dire, c'est une personne interpellée, donc potentiellement une personne mise en garde à vue, et un fait élucidé, puisque il n'y a pas besoin d'enquête pour savoir que la personne détenait ou pas le produit stupéfiant. Donc c'est très rentable en termes statistiques pour évaluer l'activité policière, si on se base bien sûr sur des indicateurs qui sont quantitatifs, et si on ne regarde pas la qualité du travail effectué. J'ai été écœuré surtout quand je travaillais en commissariat, où la volonté, y compris de nos hiérarchies, était de dire « je préfère qu'on interpelle 10 personnes avec chacune une barrette » que d'interpeller un dealer qui va vendre 10 bottes. Et donc, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a, dans les interpellations, des préjugés racistes où certaines populations vont être plus ciblées, surtout qu'en France, on n'a pas de statistiques ethniques, donc on ne peut pas mesurer vraiment ce phénomène? Alors, c'est très délicat pour moi de parler de ces sujets-là, mais malgré tout, oui, ce phénomène existe. On va avoir tendance à cibler des populations... dites plus à risque criminogène, alors que dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est des quartiers qui sont pauvres, où il y a un fort taux d'immigration, un fort taux de chômage, etc. Donc c'est des quartiers qui sont propices à un peu plus de délinquance qu'ailleurs, forcément. Et certains policiers vont avoir tendance à faire l'amalgame entre dire « tiens, celui-là, il a une peau plus foncée que les autres, donc il sera plus susceptible de faire du trafic que d'autres », alors que on se rend compte qu'effectivement, il peut y avoir un lien... par, on va dire, pays d'origine, pour notamment l'importation du cannabis, puisqu'on sait très bien que le cannabis importé vient essentiellement du Maroc, notamment. Donc il peut y avoir des connexions liées à l'origine géographique des personnes, mais ça ne sera pas forcément ces personnes-là qui vont consommer le plus qui vont trafiquer le plus. Et c'est un peu ça, Fabrice Olivet, qui permet à Éric Zemmour de prétendre que ce sont surtout les Noirs et les Arabes qui sont concernés par ces questions, en confondant sciemment les causes et les conséquences. Eh ben oui, si on considère cette partie de la société qui, effectivement, issue de l'immigration, vit dans les banlieues, et cet enfermement qui a commencé avec la guerre menée contre l'héroïne, qu'est-ce que ça donnerait si on avait les mêmes statistiques ethniques? Effectivement, là où Zemmour a raison, en fait, c'est que nos prisons sont peuplées de Noirs et d'Arabes. Et quand on analyse dans cette population ceux qui sont enfermés pour des questions liées à l'usage de drogue, ou liées au trafic, ou liées aux guerres de gangs, enfin en tout cas qui tournent autour de cette question de la répression des drogues, on arrive aussi à une proportion non négligeable. Alors encore une fois, pas de statistiques ethniques, c'est compliqué d'avancer des chiffres, mais tous les gens qui connaissent la question, qui sont un peu honnêtes, le savent, quoi. Voilà. Cette question, elle est au cœur de l'enfermement des populations issues de l'immigration en France. Fabrice Olivet, cette loi qui vient d'être votée sur l'amende forfaitaire va aussi peut-être ouvrir la porte, une fois de plus, au contrôle aux faciès. Ben voilà. Vous avez dit le mot. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est élevé contre cette mesure qu'on considère comme extrêmement démagogique. Et là, l'idée, c'est finalement d'officialiser tout ça. On peut trier le bon grain et l'ivraie du point de vue des policiers. Et ça renforce un peu plus tout ce non-dit sur cette guerre à la drogue qui s'inscrit dans tout ce que les populations issues de l'immigration quand même verbalisent comme étant du racisme, de la discrimination, de l'injustice. Enfin, ça devient quand même un problème majeur pour toutes les questions qui concernent la politique française, hein. Les politiques des drogues, elles sont marquées par le contrôle social depuis leur origine. Et donc, en fait, toutes les tentatives de législation qui ont pu être mises en place autour des politiques des drogues, elles sont souvent à voir avec la volonté pour le politique de contrôler certains groupes sociaux. Par exemple, en France, la loi du 31 décembre 1970, elle a été votée dans un contexte qui n'était pas anodin, c'est-à-dire le contexte de mai 68. C'était quelques mois après mai 68. Et donc, plusieurs auteurs comme Jacqueline Bernat de Serlis ou Patrice Pinel et Marcos Zafiropoulos ont montré dans leurs écrits que quand on faisait une analyse des textes de loi et des débats parlementaires de la loi du 31 décembre 1970, on voyait que l'importance de la part de la répression dans cette loi, le caractère répressif de cette loi, il pouvait s'expliquer par la volonté que le politique avait à l'époque de contrôler les militants de 1968. Et donc, les débats de l'époque le montrent très fortement, avec une assimilation dans les esprits qui est faite entre révolution et usage de drogue, avec le fait de penser que ce sont les contestataires de mai 68 qui consomment des drogues, et donc que si on interdit cet usage de drogue et donc qu'on met les usagers en prison, ça sera aussi un moyen de contrôler les jeunes contestataires de mai 68. Donc en fait, en France, dès les années 70, on voit que la loi, elle est très marquée par la volonté de criminaliser certains groupes sociaux. Alors qu'aujourd'hui, certains historiens mettent en évidence que si les États-Unis, face à l'épidémie d'overdose d'opiacés, a choisi de mettre en place une réponse de santé publique et non pas une réponse répressive, c'est parce que là, cette épidémie d'overdose d'opiacés, elle touchait essentiellement des jeunes blancs issus des classes moyennes. Et donc là, il s'agissait pas de les réprimer, mais de les protéger. Et donc, en fait, cette comparaison du traitement social, politique et sanitaire entre la consommation de crack dans les années 80 par des populations de noirs issus de classes plutôt populaires face à la réponse sociale, politique et sanitaire qui est faite pour des populations blanches issues des classes moyennes ou favorisées, qui a donné lieu donc à cette épidémie d'overdose, et donc là à une réponse de santé publique, est très révélatrice du fait que les politiques des drogues, elles sont aussi emblématiques du contrôle qu'on veut faire peser sur certains groupes de population. Il y a plus de morts par overdose de médicaments opiacés aux États-Unis que de morts par overdose d'héroïne, donc le problème est colossal. Parce qu'il faut voir que le système de soins américain est très différent du nôtre, notamment les industriels de l'industrie pharmaceutique ont le droit de faire de la publicité pour les médicaments à la télévision. Bruno Falissa. Donc ils avaient le droit de faire de la publicité pour des opiacés. Et bien sûr, les opiacés sont d'excellents antalgiques, c'est pas le problème. Et donc, les patients allaient voir leur médecin quand ils avaient mal au dos, puisque une quantité de la population énorme a mal au dos, et donc ils disaient: j'ai mal au dos, vos médicaments ça marche pas. Moi, je voudrais médicaments, on fait la publicité à la télé, qu'est-ce que vous voulez, le médecin, il prescrit Non, je crois que il faut être très très vigilant sur ce qui se passe en Amérique du Nord, chez eux depuis plusieurs années, avec des niveaux maintenant de décès qui font que l'espérance de vie a changé aux États-Unis. C'est un truc de fou, je pense qu'on n'aurait jamais imaginé ça avec une drogue il y a quelques années. Nicolas Price. Alors, qu'est-ce qui s'est grosso modo passé aux États-Unis? Ça part au départ d'un mésusage de médicaments contre la douleur. Des médicaments forts, puissants, qui entraînent de la dépendance, qui ont été poussés sur le marché par des laboratoires qui voulaient gagner le plus d'argent possible très très rapidement. Des médicaments qui ont créé une génération de dépendants à des produits. Et une fois qu'on serre un peu la vis, ensuite qu'on se dit « Oh mon Dieu, on a fait une bêtise », ces personnes sont dans le processus addictif fait que vous allez chercher ce produit de toute façon. Et désormais, que ce soit des médicaments détournés de leur usage qui sont dans la rue ou des produits qui sont produits par des laboratoires clandestins, parce qu'il faut bien savoir que ces opioïdes sont parmi les produits les plus rémunérateurs pour des trafiquants. C'est assez peu cher à produire, ça se dilue beaucoup tellement c'est concentré, et au final, vous avez une marge tout à fait considérable. Fabrice Olivet, la crise des opioïdes aux États-Unis constitue un formidable retournement de situation, puisque là, ce sont précisément des populations blanches qui se retrouvent piégées dans l'enfer de l'addiction aux opiacés. Oui, alors, dans toutes ces questions de drogue liées à l'exemple américain, parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'à chaque fois, c'est l'exemple américain. C'est eux qui commencent la guerre à la drogue, et aujourd'hui, visiblement, c'est eux qui sont en train de nous en sortir. les Américains qui ont une religion de la liberté individuelle, après avoir été les champions de la répression de l'usage de drogue, encore une fois, dirigés contre leur minorité, se sont rendus compte que le petit blanc moyen qui consommait du cannabis, finalement, on pouvait jouer aussi sur le fait que en quoi l'État avait quoi que ce soit à dire sur cette liberté individuelle. Et c'est vrai que quand on considère les questions de drogue, au fond, c'est ça qui est le plus choquant. Quand on consomme une substance, qu'on est majeur et vacciné dans son espace privé, en quoi on vient heurter la liberté de qui que ce soit? Il y a vraiment un truc qui concerne les droits de l'homme. Et ça aussi, c'est très choquant, quoi. Quand on dit ça, je sais que ça a déjà été repris, isolé dans le journal d'Assud et brandi comme étant la preuve qu'on était vraiment des prosélytes. Vous vous rendez compte, l'usage de drogue, un droit de l'homme? Bah oui. Pris au sens propre du terme, en quoi ça vient heurter la liberté d'autrui? C'est ce que les Américains, encore une fois, qui sont quand même une société pour lequel la liberté individuelle a un sens très très fort, sont en train de comprendre avec le cannabis, en se disant c'est le libéralisme qui va résoudre nos problèmes. Alors là aussi, il y a encore une fois une petite visée raciale, parce que visiblement ce marché, il est destiné aux populations plutôt favorisées, plutôt blanches, et il semblerait, les premiers indices qu'on a du Colorado, etc., des États, il y a quand même 6 États, hein, qui ont légalisé le cannabis à des fins récréatives et 25 qui l'ont légalisé à des fins thérapeutiques. Thérapeutique, ça veut dire souvent, vous allez chez le médecin, vous dites j'ai mal à la tête, on vous fait une ordonnance de cannabis. Bon. Et il semblerait que dans ces états, encore une fois, c'est les populations noires et latino qui ont le moins accès au cannabis légal, pas pour des questions de prix, parce que c'est un cannabis qui reste trop cher. Et donc, du coup, qui continue à être frappé par l'illégalité, par les arrestations et par l'enfermement. Mais je trouve ça fascinant, quoi, que les États-Unis, après avoir été vraiment les gens qui vous enfermaient à vie pour une petite entorse à la législation sur les drogues, maintenant sont ceux qui disent clairement c'est le marché qui va résoudre pour des questions de liberté individuelle, puis pour des questions effectivement pécuniaires, quoi, parce que le Colorado, je crois qu'il a remboursé je sais plus un chèque de quelques dizaines de dollars à tous ses contribuables, hein, récemment, parce que les bénéfices du cannabis étaient tels que on pouvait supprimer des impôts. Alors vous pensez, vous voyez l'argument. Bon voilà, on en est là. Et cela, c'est pas tellement loin de nos sociétés, hein. Il faut quand même être très franc. Ça, c'est peut-être une erreur qu'on a faite, les médecins ou les cliniciens, de penser que la légalisation, c'était qu'un simple entre guillemets, problème de médecine. Et ce qu'on est en train de découvrir là, c'est que c'est peut-être tout sauf un problème de médecine. C'est un problème moral, c'est un problème social, c'est un problème économique. C'est le problème qui a trait à la question à laquelle personne ne peut répondre. C'est puisque les addictions existent, à qui elles profitent? Puisque les drogues existent, à qui elles profitent? Avec Fabrice Olivet de l'association Assud, Marie-Geoffrey Roustine, sociologue, Alexandre Marchand, auteur de L'impossible prohibition aux éditions Perrin, Elisabeth Avril de Gaïa Paris, les psychiatres Bruno Falissard, Mario Blaise et Richard Rechtmann, un officier de police judiciaire, William Lovenstein, addictologue, Nicolas Price, président de la Mildeca, Ivana Obradovic et Julien Morel-Darleux de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Texte d'Henri Michaud, Archivina, extrait de Poésie sur parole. Prise de son, Marcos Darras, Cyprien de Limerville, Hélène Langlois et Laurent César. Mixage, Guillaume Ledu. Réalisation, Doria Zénine.